Ok. J'ai ma petite plante qui pousse. Y'a les petits joueurs qui toussent. Double cabine à la bouche. J'fume même sous la douche. Tête de fripouille qui passe à la fouille. Une petite boulette qui roule, un vieux couteau qui rouille. Lumière rouge, yeux rouges, vive le quartier rouge. Bitch, follow me. Un joint pour deux, j'fais des économies. Ce détail à kilo en 7 minutes. J'te laisse le mec, oh, j'peux pas faire dodo sur le bébodo. Amsterdam, Hollanda, Atlanta. On va la terre. J'fume dans les rues de la French Riviera. Fais mouiller la peine de mort comme à Dubaï. J'suis dans la coupe, ni l'MDMA. Mon shit, je balade jusqu'aux USA. 10 grammes de G-Kush, 10 grammes de Beufra. California, Colombia, Katama. Pow! J'suis dans un délire. Weed life, j'suis dans un délire. J'passe les migrations, les poches remplies de pochetons. Pow! Big fumé. Big fumé. Gros roi, j'offre les doigts. Puis tout petit zigzag entre les lois. C'est Halloween, ma gueule n'est pas belle à voir. Ma weed, elle attend l'arrosoir. On envoie du bois, serveur amène à boire le temps que je prépare un pétard. De substance dans le gamas. J'suis bourré comme j'aime Ralas. Ma weed n'est pas homologuée. J'ai fumé avant de monter sur scène. J'suis pété, j'bouge plus comme Stromae. On roule avec OCB, on a payé un yacht. Ah, Bolloré, faut pas que la police me fâche. J'ai plus rien à fumer, j'suis fâché. T'es pas un petit touré. On voit la substance, le grinder, livraison à domicile, on fournit même le fire. 113 miles affichés au compteur. Laisse-moi rouler et allume le monster. Big fumé. La pièce est parfumée. Là qu'on s'est confiné, Weed Life validé. Big fumé. On est devenu fumeur parce qu'on était dealer. Enfoiré, je viens de me faire planter par le livreur. Deux têtes de weed dans le grinder. Plaquette de sang pour passer l'hiver. J'fumerai des strips jusqu'à 60 berges. J'ai de la bouteille de Belvédère. Big fumé.